Votre instant d'évasion. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Bienvenue à toutes et à tous dans ce hors-série de La Courte Échelle. L'émission hebdomadaire vous propose plutôt les nouveautés des artistes indépendants. Les hors-séries que vous retrouverez pour cette émission, eh bien, vous propose d'aller puiser dans les souvenirs de la discothèque de l'émission. Nous avons plus de 4000 titres en réserve dans La Courte Échelle pour cette émission. Eh bien, nous allons aujourd'hui en partager quelques-uns. On va débuter avec la guitare de Phil DLC et Kirez. Découvert et apprécié Paul David dans la première saison de La Courte Échelle avec notamment Belong to Me. I'm Saison 2 de La Courte Échelle que nous avons découvert un groupe, ma foi, fort intéressant et particulier. Il s'appelle Ramène ta chaise, avec Clim d'amour notamment. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Ça brûle, ça brûle, ça brûle.

arrangée. Je bosse en informatique, une vie bien formatée. Entre ma maison, mon chat, une vie bien sympathique et bien remplie, mais voilà. À mon âge, évidemment, je découvre les sentiments, ça m'enchante impatiemment. J'avais une vie bien mariée, je pensais qu'elle est unique, un amour comme il me plaît. Entre ses amis, sa mère, une vie bien sympathique et bien remplie, mais mystère. À son âge, évidemment, elle veut devenir maman, ça m'inquiète énormément, car voyez-vous, les enfants, c'est comme les meubles Ikea, je trouve ça joli chez les autres. Mais quand ils veulent le paquet chez toi, alors comment dire, c'est tout autre. J'avais une vie bien gonflée, mais rien d'aérophagique, une vie tout en bébé. Entre la toxo, le chat, une vie bien sympathique et bien remplie, mais voilà. À mon âge, évidemment, je fabrique des cheveux blancs, ça m'angoisse assurément, car voyez-vous, les enfants, c'est comme les meubles Ikea, je trouve ça joli chez les autres. Mais quand ils veulent le paquet chez toi, alors comment dire, c'est tout autre. Les enfants, c'est comme les meubles Ikea, je trouve ça joli chez les autres. Mais quand ils veulent le paquet chez toi, alors comment dire, c'est tout autre. J'ai toute une vie bien rangée, je bosse en milieu pédiatrique, une vie stérilisée. Entre les couches et les rots, une vie bien sympathique et bien remplie, mais alors, à mon âge, étonnamment, je découvre ces sentiments qui m'enchantent évidemment, car voyez-vous, les enfants, c'est comme les meubles Ikea, on trouve ça joli quand c'est les nôtres. Mais quand ils veulent le paquet chez toi, alors comment dire, bah ouais, c'est le nôtre. Les enfants, c'est comme les meubles Ikea, on trouve ça joli quand c'est les nôtres. Le groupe Apollo Junction est devenu habitué de la courte échelle. Régulièrement, eux aussi nous proposent des titres toujours mieux les uns que les autres. Voici Apollo Junction au début de l'émission avec Light Up the Sky. Jackie Reagan était là dans les toutes premières, dans les tout premiers numéros de La Courte Échelle. On l'a même retrouvé en interview. On va l'écouter avec Toujours là pour moi. La Courte Échelle. Là pour moi, j'ai besoin de toi, de te dire ma joie, de compter sur toi. Merci d'être là, toi tu sais donner, donner sans compter, sans jamais rien regretter. Toujours là pour moi, toujours là pour toi. Pour moi tu es toujours en mode de secours. Toujours là pour moi, toujours là pour toi. Ces numéros hors série de La Courte Échelle sont là également pour vous permettre de vous remémorer les titres des débuts de l'émission, comme par exemple le titre d'Héloïse May avec Ode to My Lover. I'm looking at the stars, I drown my soul so many times, too many times, and the days are passing by. I'm waiting, you pass by. Sing to me a lullaby till I can sleep at least tonight. I'm so tired. Please hear my voice. I need someone to make a choice. You can't hear me 'cause the rain is pouring down. Shotgun is what I like when you drink. your eyes to the cloud nine. Shh. I tune up my guitar to sing to you a lullaby till we can sleep in love tonight under the stars. Please hear my thoughts. I need someone when it gets tough. Try to listen, 'cause the rain is running dry. Notre chanteuse qui est là depuis le début de La Courte Échelle, c'est Fred Charrier. Elle nous avait fait sourire avec notamment Blonde, mais pas que. Un client arrive au comptoir, un sujet un peu épineux. Dois-je prendre le blanc ou le noir? Moi je vais l'aider de mon mieux, de mon mieux. Il fait appel à mon collègue et moi sans broncher je délègue. Est-ce la couleur de mes cheveux qui m'empêcherait d'aider le vieux? D'aider le vieux. Je suis née blonde. À moi les blagues et les moqueries. Je suis née blonde. Ça me suivra tout. Bien jolie, moi je suis blonde, et pas que. Un homme a perdu son chemin et nous demande, c'est encore moi. Est-ce la blonde ou bien la brune qui le sortira de la brume? De la brume. Comme une appli du guide Michelin, aussi précise qu'un GPS. Je n'y vais pas par quatre chemins, le trajet n'est pas sur nos fesses. Je suis née blonde. À moi les blagues et les moqueries. Je suis née blonde. Ça me suivra toute ma vie. Pour tout le monde. Une blonde c'est juste bien jolie. Moi je suis blonde. Mais pas que. Jour de réunion de classe, je lève le doigt, faut qu'on m'explique que va nous sortir la blondasse. Toutes les mamans sont en panique. En panique. Lorsqu'on me donne la parole, je leur balance des mots techniques. Mais faut sortir la parabole, situation ironique. Je suis née blonde. Je suis née blonde. Ça me suivra toute ma vie. Pour tout le monde. Une blonde c'est juste bien jolie. Moi je suis blonde. Mais pas que. idées reçues pour tout le monde. Laissez de côté vos préjugés, le stéréotype de la blonde n'occulte pas ses facultés. Non, ses facultés, ouais. Et bien qu'ils fassent des envieux, et bien que vous les trouviez beaux, ben la couleur de mes cheveux n'est pas reliée à mon cerveau. À mon cerveau. Je suis née ronde. À moi les blagues et les moqueries. Je suis née ronde. Ça me pèsera toute la vie. Pour tout le monde. Une ronde c'est juste bien remplie. Moi je suis ronde. Et tant mieux. Vous vous souvenez sans doute d'un duo, celui de la fille et, du père, à savoir Sarah et Jordan Williard, avec Destination Bonheur. Arrive à présent dans cette émission hors série Va sans dos avec Courant d'air. La tête au vert dès le matin, mon visage blême dans la glace. Devrais-je aller au turbin, suivre cette idée qui passe? Mes oreilles, je troque la scène pour la liffer. Une gigue gigote l'orteil, mon billet d'avion réservé. Une envie de prendre l'air, un Irish way, un courant d'air de Dublin à Galway, poussé par un vent irlandais. Je m'arrache à ma routine, survolant une mer de coton. Rejoindre la belle Erin, celle racontée dans les chansons. fish and chips au bout des lèvres, une stout pour l'agrémenter, servie par des barmen orfèvres. Un trèfle dans la mousse dessinée, une envie de prendre l'air, en Irish way, un courant d'air, de Dublin à Galway, où c'est par un vent irlandais. Une envie de prendre l'air, en Irish way, un courant d'air, de Dublin à Galway, où c'est par un vent irlandais. Dans un pub fleuri, une session. J'entends le Yulin Pike pleurer. J'entends cueillir un brin d'émotion. La soirée s'annonce mouvementée. Mon retour devra attendre. Au bar, je me suis amarré pour braver la houle de l'Irlande. Une envie de prendre l'air. En Irish way, un courant d'air. De Dublin à Galway, où c'est par un vent irlandais. Une envie de prendre l'air, en Irish way, un courant d'air. De Dublin à Galway, où c'est par un vent irlandais. La tête au vert dès le matin, mon visage blême dans la glace. Devrais-je aller au Turmin? Suivre cette idée qui passe. Suivre cette idée qui passe. Suivre cette idée qui passe. Sans doute découvert le groupe Paris-Byzance dans la courte échelle avec notamment Minia Galley. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Et pour

faire le beau là devant tes potes. Mais ça m'agace, à part parler, parler, tchatcher, tchatcher. T'es bon à rien, mais n'écoutez pas les mecs. C'est en gros nul, c'est rien faire. Parler, et moi je, il m'agace. Oh là là là là là là. Faut pas péter. Instant d'évasion, la courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Voilà, c'est ici que se termine ce premier numéro hors série de La Courte Échelle, l'occasion pour nous tous de retrouver les premiers titres des premières saisons de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. Alors pour info, eh bien, c'est les émissions de La Courte Échelle. Vous les retrouverez désormais chaque semaine en podcast. La semaine de l'émission, la priorité bien sûr est réservée aux radios qui diffusent, mais la semaine suivante, les émissions seront en podcast. Pour retrouver toutes les informations concernant La Courte Échelle, eh bien, n'hésitez pas à user et abuser des réseaux sociaux, à savoir Facebook, sur la page de La Courte Échelle bien sûr, mais également sur le groupe des artistes et des chanteurs du monde. Et là, vous retrouverez tous les liens nécessaires pour La Courte Échelle. On se retrouve chaque semaine comme d'habitude pour La Courte Échelle et ses nouveautés. Soyez heureux et à très bientôt.